Le temps du don, en partenariat avec l'Union départementale des associations de donneurs de sang bénévoles en Meurthe-et-Moselle. Bienvenue sur Fadjet, vous écoutez Le temps du don. Au programme de cette quatrième émission, Dominique vous informera sur les dernières actualités sur le don de sang. La thématique de l'édito sera le don de soi au cœur du don de sang. Nous recevrons le président de l'association pour le don de sang de Pulnois, à qui on demandera comment on anime une association de donneurs de sang et ce qu'on y fait tout au long de l'année. Et nous finirons avec l'agenda du don du mois de décembre. Le temps du don, le temps de l'actu. Dominique, quelles sont les dernières actualités du don du sang ? Bonjour à toi. Salut Christophe. Alors, trois actualités dans le Mahotte aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais avertir les donneurs de sang et les membres des associations de donneurs qu'il peut y avoir des annulations de dernière minute de collecte de sang. Je parle bien sûr des collectes mobiles. Dans les maisons du don, il y a toujours du personnel qui est présent. En effet, c'est une question de personnel qui se déplace. Pour une collecte mobile, c'est toute une équipe qui se déplace avec du matériel. Et pour que tout se passe en sécurité, cette équipe se compose d'infirmières, de médecins et d'un chauffeur de camion pour transporter tout le matériel. Et s'il en manque ne serait-ce qu'un, bah, la collecte, elle peut être annulée. Mmh. Et parfois, il y a des membres qui peuvent tomber malades et on sait que c'est toujours possible. L'EFS cherche à faire pour le mieux, mais il y a des règles de sécurité à respecter. Donc, si cela arrive, ne soyez pas trop déçus et dites-vous qu'il doit bien y avoir une collecte pas loin un autre jour. Ouais, alors c'est vrai que ça peut toujours être frustrant hein, de trouver une porte close quand on a décidé de faire une bonne action. Bon, après voilà, le FS fait de son mieux. Hein. Ouais. Deuxième actu, c'est l'association de Liverdun qui a retrouvé un président après le décès récent, son président André Leroy. C'est toujours triste, mais le travail des associations doit continuer pour que les malades puissent recevoir ce dont ils ont besoin, comme sang ou les produits de traitement. L'association de Neuf Maisons s'est également relancée dernièrement, et maintenant, il y a un peu plus d'un an, c'est une nouvelle association qui s'est montée à Ciré-sur-Vezouze hein, par des bénévoles qui, comme nous, se sont dit qu'un jour, c'était important de faire venir des donneurs. Je vous raconte tout cela pour rappeler que les associations recherchent toujours des donneurs, mais aussi des bénévoles. Donc la prochaine fois que vous allez donner votre sang, vous pouvez rejoindre l'association. Pour cela, vous pouvez parler avec les bénévoles que vous allez rencontrer à l'entrée ou au moment de la collation. Et puis si vous voulez lancer une asso, parce qu'il n'y en a pas dans votre coin, la Fédération des donneurs de sang et son union départementale sont là pour vous aider financièrement, administrativement et un peu techniquement. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter la Fédération des donneurs de sang sur son site internet ou sur les réseaux sociaux. Ça reste le plus simple et puis vous verrez, l'ambiance est toujours sympa dans nos associations. Et enfin, le dernier point, eh bien, c'est quelque chose qui vient d'être lancé il y a quelques temps, c'est le challenge Plasma. Ça a commencé le mois dernier, le 3 novembre, et puis ça finit à la fin du mois, le 31 décembre. Alors, c'est la première fois que l'EFS Grand Est lance ça. Ça va permettre de mobiliser un max de donneurs, alors à la fois sur les dons de plasma, mais aussi un peu pour le don du sang. L'EFS a envoyé des invitations alors, dans vos organismes, dans les entreprises, dans les associations diverses, à s'inscrire pour faire un challenge. Quand votre association elle a été contactée, bah, vous venez donner votre sang ou votre plasma, et à chaque fois, vous dites que vous venez dans le cadre du challenge du don du sang ou du don de plasma, et c'est comptabilisé par association, par entreprise, ou bien par université, par exemple. Et en janvier, eh bien, l'EFS remettra un trophée aux entreprises ou aux associations qui auront fait venir le plus de donneurs. Alors, si on n'a pas vu passer ça sur les réseaux sociaux, eh bien, le plus simple, ça reste encore de contacter la Maison du Don. Merci Dominique pour toutes ces actualités. Le temps du don, le temps de l'édito. Le 5 décembre, c'est certes la veille de la Saint-Nicolas, un saint qui est cher à nos cœurs en Lorraine, mais c'est surtout la journée mondiale du bénévolat. Ici, on parle souvent de ces gestes qui ne prennent que quelques minutes, mais qui peuvent changer toute une vie. Donner son sang, c'est ça. Un acte simple, discret, mais profondément humain. Un geste qui dit « je suis là, pour toi, même si je ne te connais pas ». Et derrière chaque don, il y a aussi des visages. Ceux des bénévoles. Ces femmes, ces hommes qui, souvent dans l'ombre, font vivre cette grande chaîne de solidarité. Ils accueillent, ils écoutent, ils rassurent. Toujours avec le sourire, toujours avec cette bienveillance qui fait toute la différence. Leur engagement est un fil rouge, celui qui relie le donneur au receveur, celui qui fait battre le cœur de chaque collecte. Parce que sans eux, sans leur énergie, leur temps, leur conviction, le don de sang n'aurait pas la même chaleur, la même humanité. Alors aujourd'hui, on a envie de leur dire merci. Merci à ceux qui donnent, merci à ceux qui font donner. Merci à tous ceux qui prouvent jour après jour que la solidarité, elle aussi, coule dans nos veines. Alors bonne fête à tous les bénévoles du don du sang, mais aussi à tous ceux qui sont engagés, quel que soit leur domaine d'activité. Le temps du don, le temps de l'invité. Alors, cette semaine, dans le temps du don, nous recevons un des 40 présidents d'associations de dons de sang de Meurthe-et-Moselle. Notre invité assume ce rôle de président depuis 2 ans. Il nous vient de Pulnoy, une ville située à l'est de la métropole du Grand Nancy. Bonjour Jimmy Mansuy. Bonjour Christophe, bonjour Dominique. Bonjour. Bienvenue dans le temps du don. Alors Jimmy, dans un premier temps, je vais vous proposer de vous présenter, de nous dire pourquoi vous vous êtes engagé pour le don de sang. Et après, le traditionnel quiz, on abordera avec vous ce que vous réalisez avec vos bénévoles tout au long de l'année, et puis bah, quels sont vos objectifs. Ça vous convient, Jimmy ? Très bien, oui. Eh bien, allez, c'est parti. Qui êtes-vous, Jimmy ? Eh bien, je m'appelle Jimmy, j'ai 34 ans, je suis originaire de Nancy. J'ai fait toutes mes études sur Nancy, dans le domaine de la comptabilité, finance, budget. Donc, je travaille toujours sur Nancy aujourd'hui. En complément de ces activités professionnelles-là, je me suis lancé, du coup, dans l'associatif. Mmh. Et quoi de mieux que le don de sang est sur une ville qui m'est chère, parce que j'ai grandi à Pulnoy, pour aller justement sur l'amicale du don du sang de Pulnoy, justement. Ça fait combien de temps que vous avez intégré l'association de Pulnoy ? En sortie de Covid, donc 2021. 2021 ? Les motivations, en fait, pour la rejoindre, cette association, c'était quoi ? Ben, c'était, je trouvais qu'en termes de valeurs, pour soutenir une cause, pour partager des valeurs communes, pour partager des compétences, enfin un petit peu ce qu'on peut retrouver dans le domaine associatif, je trouve que c'est accentué justement dans la thématique un petit peu don du sang. Mmh. Donc je trouve que c'est justement tout ce qu'il y a de plus humain, si je puis dire ainsi. J'accroche. Il met de la solidarité là-dedans. Voilà, tout ce qui touche un petit peu à l'humain en soi, au contact humain qu'on peut avoir voilà, entre les partenaires, entre l'EFS, les donneurs, les différentes amicales aussi. Je trouve qu'il y a un ensemble de choses qui permettent un petit peu de faire progresser le sujet, quoi. Donc depuis 2021, donc dans l'association, et président depuis 2 ans, je disais tout à l'heure, c'est ça ? 2 ans depuis début 2024. C'est progression. Pourquoi on devient président d'une association parce que... si jeune ? Ah, parce qu'on avait un ancien président, M. Guy Ramnat, qui voulait profiter aussi des bons jours de la retraite. Donc c'est volontiers que j'ai accepté sa proposition de le succéder. Et pour que, justement, que l'amicale puisse perdurer aussi dans le temps et de pouvoir continuer le chemin parcouru. Ouais, ça c'est important. Voilà. Et oui, on le sait, hein, on en côtoie hein, des associations, effectivement. Les présidents d'associations, présidents-présidentes hein, d'associations ont généralement un âge plus élevé que celui de Jimmy. Hein. On en est déjà un exemple, nous. Hein. Oui, ouais. Dominique, on a franchi la barre des 50. Hein. Tous les deux, ouais. Et oui, allègrement. Donc, ça fait plaisir de voir un président jeune, hein, 34 ans, je crois, si j'ai bien retenu. Hein. 34, ça, ouais. ça m'a fait bizarre de parler à un jeune comme ça. Mais... Et votre rôle de président, donc, du coup, vous le voyez comment avec votre âge ? C'est plutôt positif. Je trouve qu'on est dans le bon âge, quelque part, si on veut apporter des idées un peu nouvelles. Ça se coupe pas trop dans l'association, du coup ? Non. Les jeunes, comme ça, quand ils rencontrent différents âges. Différents points de vue aussi. Différents points de vue, du coup, oui. Mais justement, c'est ce qui fait que c'est aussi un travail d'équipe. Je suis pas tout seul. Donc ça permet justement que l'amicale puisse être présente. Mais on fonctionne aussi au niveau collectif. On travaille aussi ensemble. Ouais, c'est une petite équipe. C'est une équipe. Merci déjà pour cette présentation. On reviendra un peu sur l'équipe juste après le quiz, là. Et puis, vous nous direz un petit peu comment ça se passe à Pulnoy. C'est intéressant d'avoir ces échanges. Le temps du don, le temps du quiz. Le temps du quiz. Tout de suite, la première question. On attaque. Quel est le laps de temps minimum entre 2 dons de sang ? Allez, comme d'habitude, le petit, petite proposition. Jimmy, vas-y. 8 jours ? 8 semaines. 8 semaines, ah, j'ai déjà entendu la réponse, ou 8 mois. Ouais, 8 semaines. Effectivement, c'est 8 semaines entre 2 dons de sang, avec une petite précision, hein, un homme peut donner 6 fois au cours d'une année, et pour une femme, c'est 4. Exact, ils sont forts. deuxième question, allez. En France, le don de sang repose sur des principes éthiques fondamentaux, donc je vais vous les lister. Sauf un qu'il vous faudra trouver. Voilà, c'est dur. Ouais, je corse un petit peu les questions là. Alors, le don de sang est un acte bénévole, responsable, anonyme, volontaire et... Alors, petit A, sans peur, petit B, sans profit, ou petit C, sans patate. On prend pas un grand risque, hein. Ouais. Sans profit. Sans profit, ouais. Bon, effectivement, c'est sans profit la bonne réponse. Hein. Je répète, hein, le don de sang, c'est bien un acte bénévole, responsable, anonyme, volontaire et sans profit. Bravo à tous les deux et bravo aux auditeurs qui, je suis sûr, avaient la bonne réponse à cette deuxième question. Le temps du don, le temps de l'invité. Alors, Jimmy m'en suit. Je souhaiterais, on en a déjà un petit peu abordé le sujet tout à l'heure, mais je souhaiterais que vous nous parliez de la vie de votre association. Bon, je rappelle juste que vous êtes le président de l'association pour le don de sang de Pulnois depuis 2 ans maintenant. Pulnois, donc charmante petite ville de 5123 habitants. Exact. Alors, au niveau de l'association, quelle est la composition de votre bureau, par exemple ? On est 8 personnes, réparties de manière totalement équitable. On a 4 femmes. Et 4 hommes. Oh, c'est beau cette parité. Ouais, c'était une parité. On parlait d'âge tout à l'heure, moyenne d'âge comme ça. 60. Soixantaine d'années. Soixantaine d'années. Ouais. Ouais, donc il ne faut pas attendre d'être le plus vieux pour être le président. C'est ça. Ouais. Sur le bureau ou c'est sur l'ensemble des adhérents le... Sur le bureau là. Sur le bureau, ok. Et y a, bah, du coup, il y a combien d'adhérents là, sur l'association? Combien de bénévoles? Je ne sais pas comment comment vous les appelez. Bah, sur nos adhérents, oui, on est 30. Ok. Ça regroupe un petit peu déjà quelques donneurs déjà qui adhèrent aussi. Et puis d'anciens membres de bureau qui ont voulu continuer malgré tout être présents dans la structure. Donc voilà. Donc une trentaine de bénévoles. Une trentaine d'adhérents. D'adhérents, pardon. Ouais, vous faites le distinguo entre adhérents et bénévoles. Bénévoles, ouais. D'expliquer juste pour les bénévoles, c'est les bénévoles, c'est les 8 personnes qui composent le bureau. Qui font vivre l'amicale quand il y a des collectes au niveau de l'UFS. Donc sur les 3 collectes qu'on a chaque année... C'est 3 collectes. 3 collectes par an. Qu'est-ce que vous faites au cours d'une année civile pour vous démarquer, pour faire parler de vous? Il y a 2 événements qui ressortent un petit peu dans l'année. Donc on a l'été en fait, qui correspond à peu près à la date de la fête de la musique qui est fin juin, qui est justement quelques jours avant l'une de nos collectes, qui a lieu fin juin. Et on a également, très amical, enfin surtout, quelques membres de notre bureau de l'amical qui font la fête de la soupe. Ouais, oui. D'accord. Durant l'automne, qui est justement également autour de notre dernière collecte de l'année. Donc vous faites une soupe voilà. De l'association. C'est ça. Et pour la fête de la musique, il y en a qui jouent de la musique chez vous ou... Non, l'idée c'est surtout un petit peu de se montrer, dire qu'on est là, qu'on a aussi une collecte qui arrive prochainement, bientôt, hein, et de les inviter, de les convier en tout cas, à venir donner leur sang. Ok. Tout à l'heure, vous disiez, il y a 3 collectes, je crois, dans l'année, oui, c'est ça, à Pulnois, organisée sur le territoire de Pulnois. Oui. La dernière, elle a eu lieu il n'y a pas longtemps, si je ne dis pas de bêtises. La dernière a eu lieu le 20 octobre. Voilà, il me semblait bien qu'on en avait parlé, que Dominique en avait parlé dans son agenda il n'y a pas bien longtemps. Est-ce que vous pourriez nous décrire comment se passe la préparation d'une collecte à Pulnois? Alors, on fait un petit peu une réunion déjà au préalable pour savoir un petit peu qui fait quoi, comment on s'organise, comment on prépare la collecte. Donc ça va passer par la mise en place de panneaux, d'affichage, de banderoles sur différents points de la commune. Donc ça, c'est les bénévoles qui le font, c'est pas la commune qui le fait. Hein. Non, d'accord. C'est directement les bénévoles qui font cet affichage-là. Généralement, on fait ça à peu près 2 semaines avant, pour comme ça laisse un petit battement pour que les gens aient l'information. Il y a le fait de préparer tout ce qui est également l'alimentaire pour la collation qui aura lieu après don, évidemment. Elle est tellement attendue par les donneurs, cette collation. Elle est attendue. Faites-nous rêver, vous faites quoi à Pulnois? Du pâté lorrain, maison, on a donc ça en salé, sur tout ce qui touche au sucré, on a des crêpes, on a des gaufres. Et alors en salé, on a aussi des croque-monsieur, tout est fait maison. Donc on prend le temps de la matinée pour tout préparer, pour que dans l'après-midi, on puisse faire une très bonne collecte. Super, ça donne envie ça, non, Dominique? Ouais. On va y aller. Hein. On va aller à Pulnois. Ouais. Hein. Donc la prochaine, du coup, c'est quand? La prochaine, c'est le lundi 23 février 2026. On va noter ça. Je sais pas, mais il y a tout. Ok, donc prochaine collecte, donc on l'a dit, donc 23 février, et donc après il y en aura 2 autres, une plutôt vers la fête de la musique, si j'ai bien entendu, et puis une autre proche de la fête de la soupe. C'est ça. Donc, j'ai bien résumé. 29 juin pour la deuxième, et puis le 26 octobre pour la dernière de l'année. Je vais vous laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs pour qu'ils aillent donner leur sang? Que vous serez bien évidemment très bien reçu, très bien accompagné dans votre accueil, dans votre don que vous ferez, que ce soit sur Nancy en maison du don ou en collecte mobile. N'hésitez pas à vous renseigner si vous avez des questions, on saura vous y répondre, ou en tout cas le personnel de l'EFS aussi. Et c'est avec grand plaisir qu'on vous accueillera dans nos locaux pour un futur don de sang. Merci Jimmy, m'en suis. Merci à vous. Salut. Le temps du don, le temps de l'agenda. Alors, tout de suite l'agenda avec Dominique. Allez, on commence tout de suite par la région d'Ancenne. Eh bien, aux alentours des marchés de Noël et surtout le marché de la Saint-Nicolas là, qui bat son plein en ce moment, eh bien, à Villers-lès-Nancy, le 5 décembre, donc juste la veille de la Saint-Nicolas, ou à Vendeuvre-lès-Nancy le 10 décembre, Bouxières-aux-Dames le 11 décembre, à Écourt le 18 décembre, à Pompey le 19 décembre, à Laxou le 22 décembre, à Seychamps le 23 décembre, donc juste avant Noël, puis après, juste après Noël, à Essey-lès-Nancy le 29 décembre. Et alors, il y a un endroit, tu sais toujours que j'aime, lieu atypique. Ouais. Et là, le 27 décembre, c'est au centre thermal à Nancy. C'est la matinée, donc de 9h à 13h. Donc vous allez donner votre sang et puis après, vous pouvez aller plonger dans les eaux. Alors vous ferez votre don habillé, hein. Ouais, ouais, en maillot, c'est pas top. Ouais, non, ok. Effectivement, donc c'est un lieu pas banal. Près du château de Lunéville, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à Benhaménil, c'est le 5 décembre. À Dombasle, sur Meurthe, le 8 décembre. À Lunéville, eh bien, toujours à Lunéville, le 10 décembre. À Saint-Clément, c'est le lendemain de Noël, le 26 décembre. Et à la même date, près de Toul, on peut donner son sang à Écrouve, également, le 26 décembre, après avoir ouvert ses cadeaux de Noël. Et si on prend la route vers le nord, là, pour aller voir le Père Noël, qu'est-ce qu'il a annoncé par là-bas ? Eh bien, comme d'habitude, quand on monte vers le nord, à Pont-à-Mousson le 12 décembre et à Dieulouard le 29 décembre, juste avant de cuisiner la dinde. Et en montant dans le grand nord du département, c'est à Trieux le 5 décembre, à Longwy le 15 décembre et à Briey le 18 décembre. Et puis juste après Noël, à l'abri, alors c'est juste à côté de Jarny, c'est le 27 décembre. Et comme d'habitude, on retrouve toutes les collègues sur le site don200.efs.santé.fr ou en tapant don de sang sur votre moteur de recherche préféré. Et toutes les infos sur votre application don de sang sur Android ou iOS, c'est le plus simple. On trouve les lieux, les principales contre-indications et puis on peut prendre rendez-vous directement. Merci Dominique pour ce point complet, toutes ces informations de collecte. Le temps du don, c'est fini pour aujourd'hui. Le temps de cette émission, vous auriez pu faire un don de sang et devenir un héros en sauvant 3 vies. On vous retrouve avec Dominique le mois prochain, qui sera aussi l'année prochaine, le vendredi 2 janvier à 12h30 avec un nouvel invité. Bonne année.